Bienvenue chez nous pour un nouvel épisode du podcast des Nous à propos de l'album de bande dessinée Bill a disparu et quelques autres trucs. Hey! Je suis tombé il y a quelque temps sur un fil de discussion sur le net à propos de cadavres exquis en bande dessinée, mentionnant cet album que j'avais lu dans ma jeunesse, ce qui m'a donné envie de relire le machin et de m'étendre un peu sur le sujet, ou plus précisément autour du sujet. Pour ceux qui ignorent ce qu'est un cadavre exquis, je vais lire un peu ce qu'en dit Wikipédia. Le cadavre exquis est un jeu graphique ou d'écriture collectif inventé par les surréalistes, en particulier Jacques Prévert et Yves Tanguay, en 1925. Le dictionnaire abrégé du surréalisme donne du cadavre exquis la définition suivante. Jeu qui consiste à faire composer une phrase ou un dessin par plusieurs personnes sans qu'aucune d'elles ne puisse tenir compte de la collaboration ou des collaborations précédentes. Ce jeu littéraire a été inventé à Paris au numéro 64 de la rue du Château, 14e arrondissement, dans la maison où vivaient Marcel Duhamel, Jacques Prévert et Yves Tanguay. Le principe du jeu est le suivant. Chaque participant écrit à son tour de rôle une partie d'une phrase dans l'ordre sujet, verbe, complément, sans savoir ce que le précédent a écrit. La première phrase qui résulta de ce processus et qui donna le nom à ce jeu fut « Le cadavre exquis boira le vin nouveau ». Elle fait partie des créations inspirées par le concept d'inconscient souhaitant explorer ses ressources. Ce n'était au départ qu'une activité ludique, selon André Breton, bien que par mesure de défense, parfois cette activité a été dite par nous expérimentale, nous y cherchions avant tout le divertissement. Ce que nous avons pu y découvrir d'enrichissant sous le rapport de la connaissance n'est venu qu'ensuite. Ce procédé d'écriture inspira l'écriture de romans. Les règles ont dû être adaptées. L'auteur peut lire les chapitres précédents avant d'entraîner intrigues et personnages au gré de sa fantaisie. L'exercice a également été adopté par des dessinateurs. Le but est alors de réaliser un tableau collectif sur une même feuille. Un premier artiste commence à dessiner sans que les autres regardent. Après avoir terminé, il replie la feuille sur elle-même pour dissimuler son dessin, à l'exception d'une toute petite partie du dessin. À tour de rôle, chaque participant doit s'inspirer du motif laissé visible pour dessiner quelque chose et recouvre presque entièrement son œuvre avant de laisser sa place au suivant. À la fin, l'ensemble est dévoilé. Une variante consiste à écrire une bande dessinée collective, chaque participant devant à tour de rôle s'inspirer uniquement de la dernière case dessinée par leur prédécesseur pour développer l'histoire. Ce jeu a été popularisé par l'émission de télévision française Tac au Tac et est très prisé par les festivals de bande dessinée. Non seulement ce procédé narratif a pu être utilisé pour des romans et des bandes dessinées, mais aussi pour le cinéma généralement plutôt expérimental ou même pour du jeu vidéo amateur. J'en ai moi-même pratiqué comme on peut le remarquer avec cette bande dessinée dont les dessins les plus hideux sont de moi. Je dois me rappeler au montage de montrer une BD de merde. Je dois avouer, étonnamment, n'avoir lu personnellement que très... Je dois avouer étonnamment n'avoir lu personnellement que très peu d'histoires en bande dessinée utilisant cet outil, pourtant d'une grande richesse, extrêmement amusante à produire et possiblement très intéressante pour le public quand c'est bien fait. Il y a pourtant une tradition dans la bande dessinée qui se rapproche beaucoup du cadavre exquis et aurait pu présager d'une large utilisation du procédé, soit le développement quasi improvisé des scénarios d'un grand nombre d'aventures humoristiques dès le début de la BD. Si on regarde les premières aventures de Tintin avec les Soviets, le Congo ou l'Amérique, on remarque facilement qu'il n'y a pas vraiment de ligne directrice, Hergé se contentant de présenter une suite d'anecdotes inspirées de tous les préjugés de l'époque sur chacun des endroits visités jusqu'à épuiser son sujet. Ce n'est qu'à partir des cigares du pharaon qu'Hergé commence progressivement à construire ses récits. Pour ceux qui s'en souviennent, j'ai un système de notes, ou pour ceux qui ne s'en souviennent pas, j'ai un système de notes sur 5. Un 5 étant un chef-d'œuvre, un 4 étant une œuvre qui se démarque particulièrement, un 3 étant divertissement honnête, un 2 étant une œuvre moyenne, un 1 étant une œuvre mauvaise, et un 0 étant une nullité absolue, telle que la guerre commerciale entre le Canada et les États-Unis. Donc, le Spirou de Rob Vell, s'il commence par des gags en une page, devient assez vite une suite d'aventures humoristiques clairement improvisées à la petite semaine avec des récits éculés, évoluant n'importe comment, ce qui donne un certain charme naïf à la série, bien loin de ce qu'elle est heureusement devenue depuis. Je donnerai donc un 2 sur 5 au début de Spirou. Tiff est tondu par son auteur original, Fernand Dinard, est pas mal dans la même lignée, quoique moins bien dessiné à mon goût, dans lequel les héros se sont baladés d'un travail à l'autre, d'un coin du monde à l'autre, avec très peu de continuité. On est tout surpris quand on regarde la collection d'albums dessinés par Will, sur principalement des scénarios de Maurice Rosy, Maurice Tillieu et Stéphane Desberg, où certes, ils vivent ensemble sans emploi apparent, mais vivent habituellement des aventures au scénario réellement construit, le plus souvent des intrigues policières avec occasionnellement du fantastique ou de la science-fiction, ou bien les derniers albums par Denis Lapierre et Alain Sikorski, où ils sont détectives privés. Je donnerai un 1 sur 5 pour la période dinaire, les albums suivants étant bien meilleurs sans doute du 3 sur 5. Une série que j'admire beaucoup semble s'être inspirée de l'ancienne méthode des aventures improvisées, les aventures de Michel Risque par les Québécois Pierre Fournier et Réal Godbout. Le concept initial est de parodier les aventures classiques telles que Bob Morane, bourré de références à d'innombrables précédentes aventures, ce qu'ils firent avec un court récit dans un fanzine fort amusant. Ils ont continué avec quelques autres courts récits plutôt anecdotiques dans divers fanzines pour aboutir dans la jeune revue Crow avec une histoire découpée en deux parties parce qu'un peu trop longue, fort réussie, puis un autre court récit en deux épisodes avec un scénariste différent pour un résultat assez moyen, tout de même amusant. Les autres ont ensuite enfin pu continuer dans la revue Crow sous forme de feuilleton, reprenant exactement là où le court récit précédent s'était arrêté. Au dire des auteurs, ils balançaient toutes les idées qu'ils avaient en tête dans chaque épisode sans penser à la suite, ce que je n'ai aucune difficulté à croire tant le récit est touffu, bourré de bonnes idées amusantes, passant assez vite d'un sujet à l'autre et d'une situation à l'autre avec un rythme de folie. Par contre, j'ai l'impression qu'avec les années, ils se sont sans doute mis à construire un peu plus leur récit, se gardant des idées pour les prochains épisodes avec des histoires un peu mieux construites, des personnages plus percutants et surtout la venue de Red Ketchup. Cet agent très particulier du FBI a été inventé au cours des aventures de Michel Risque. Bien qu'il sera tué dans le récit, le succès du personnage auprès des lecteurs et le plaisir des auteurs étant tel qu'il sera éventuellement ressuscité de manière un peu particulière. L'éditeur de la revue d'humour Crow a eu envie de lancer une autre revue entièrement dédiée à la BD en plein dans les années 80, alors qu'en Europe, les revues de BD meurent les unes après les autres, qu'ils vont nommer ironiquement Titanic. La revue ne vivra pas bien longtemps, mais Red Ketchup y sera lâché dans sa propre série avec cette fois-ci des récits bien plus construit et éventuellement, les auteurs vont même faire un crossover entre Red Ketchup dans Titanic et Michel Risk dans Crow le temps d'un épisode. Puisqu'il a bien fallu correspondre le récit des deux séries pour que les apparitions des deux héros correspondent avec la publication, cela présuppose qu'à ce moment-là, Michel Risk n'était plus de la totale improvisation. Red Ketchup va succéder à Michel Risk dans Crow avec des histoires à suivre de la taille d'un album standard. Les auteurs avaient l'intention de faire alterner les deux séries, mais en fin de compte, il n'y aura qu'une autre histoire dans les pages de Crow de Michel Risk à suivre, formant un album avec Red Ketchup jouant un grand rôle dans l'histoire. Bref, ça n'avait plus grand-chose à voir. Je n'ai rien contre Red Ketchup, une série très amusante et sans doute plus incisive que Michel Risk, mais j'ai plus un faible pour la précédente création des auteurs qui doit, sans doute, par ma grande appréciation de la BD franco-belge dans ma jeunesse, ainsi que ma peut-être pas jeunesse, Crow va éventuellement cesser de paraître au milieu d'une aventure de Red Ketchup, qui depuis a été complétée par les auteurs pour l'édition de l'album chez La Pastèque. Les auteurs ont essayé de continuer dans la revue Safari, les éditeurs de cette revue présumant que Michel Risk serait sans doute plus proche des lecteurs de la revue que Red Ketchup. Ils ont demandé à Pierre Fournier et Réal Godbout de plutôt faire cette série, qui deviendra presque une parodie d'elle-même avec un court récit à suivre, où il ne se passe pas grand-chose si ce n'est des références à d'innombrables aventures précédentes, avec une fin en queue de poisson, puisque cela ne marchait pas vraiment. Les auteurs réessayeront finalement avec un court récit de Red Ketchup qui, de mémoire, était plutôt amusant, mais n'avait bien sûr pas un récit formidable que permet le format d'un album complet. Je donnerai donc à la série des aventures de Michel Risk une note de 4 sur 5. Un autre cas auquel je pourrais penser que l'on pourrait presque qualifier de cadavre exquis d'un auteur avec lui-même est le cas particulier du jeu Garage Hermétique par Moebius. Je vais répéter ce qu'en dit encore une fois Wikipédia. Le Garage Hermétique est un univers de science-fiction créé par Moebius dans ses bandes dessinées. Il se situe dans un astéroïde contenant plusieurs mondes superposés créés par le major Gruber qui continue à en surveiller l'évolution à bord de son vaisseau spatial, le Siguri. L'astéroïde se trouve dans la constellation du Lion. Les plans du garage hermétique sont parus initialement sous la forme d'un feuilleton dans Métal hurlant de 1976 à 1979. Elles étaient écrites au fur et à mesure de leur publication dans la revue, chaque planche étant improvisée. Il en résulte une histoire décousue mais cohérente, un univers coloré et délirant, truffé de références à la science-fiction et aux super-héros. Les planches sont rassemblées avec d'autres parues dans François et dans Fluide glacial dans un recueil édité en juin 1979 par les humanoïdes associés sous le titre Major Fatal. Le même univers a servi de cadre à une autre série, Le Monde du Garage Hermétique, parue chez le même éditeur entre 1990 et 1992. Je dois avouer que cette BD fort riche est très surprenante. Le génie de Moebius réussit éventuellement à rendre cohérent un récit construit clairement en totale improvisation, chaque épisode étant conçu sans tenir compte d'une éventuelle suite du récit, le tout étant sans aucun doute pour la construction de son récit, certainement pas dans la réalisation de son dessin, en partie dû à la consommation de drogue par l'auteur à l'époque. Il faut le faire, réussir à faire un cadavre exquis avec soi-même, mais je ne recommande absolument pas l'utilisation de drogue dans un cadre créatif. Je donnerai donc au Garage Hermétique une note de 4 sur 5. Je peux comprendre, il est vrai, pourquoi à notre époque où la BD francophone est principalement diffusée en album et non plus en revue, que l'usage du cadavre exquis ne soit plus très commun. Les éditeurs veulent plus des albums qui vont se vendre que des délires possiblement expérimentaux entre divers auteurs. Et puis, bien sûr, il est beaucoup plus simple et rentable pour un auteur d'être seul aux commandes de son bouquin plutôt que de participer à un collectif, Mais voilà, à côté, il y a les petits éditeurs, les fanzines et les webcomics. Je suis surpris que de tout cela, il n'y en ait pas plus, quoiqu'il est très possible qu'il y en ait plein, juste pas assez de pubs, ce qui m'amène au cœur du sujet. Je présume que plusieurs d'entre vous connaissent Boule et Bill, fameuse série de gags en une page de robots avec un enfant et son chien, ainsi que leur famille et amis, une bande dessinée classique assez charmante pour la jeunesse, quoique sans doute très moyenne pour un public adulte. Le dessin est de qualité et c'est mignon, mais les gags sont rarement vraiment drôles et ça reste gentillet. Donc la série Boule et Bill se mériterait selon moi un 2 sur 5. Je suis pas un fan. Pour célébrer les 20 ans de Boule et Bill, l'équipe derrière le journal de Spirou et les éditions Dupuis va programmer un album spécial de 44 pages qui sera initialement publié intégralement dans un numéro de la revue, le journal de Spirou numéro 2173 du 6 décembre 1979. Bill a disparu. Une BD collective par Robat, Franquin, Jigé, Dupas, Tibet, Deliège, Janin, Will, Walteri, JDM, Corrad et Yann, Franck, Willy van der Steen, Westerlin, André-Paul Duchâteau et Alain de Kusch. J'ai sûrement très mal prononcé. Les deux derniers ayant travaillé au scénario sont respectivement un scénariste historique de la BD franco-belge et le rédacteur en chef du journal de Spirou à l'époque. A.P. Duchâteau est surtout connu pour ses scénarios de la série policière Rick Hochet, dessinée par Tibet, quoiqu'il signe le scénario de pas mal d'albums des aventures de Chick Bill du même dessinateur, qui pour cette série alterne entre ses scénarios. Ceux de Duchâteau et ceux de Greg, avec une histoire écrite par Goscinny. Ce western humoristique se veut vraisemblablement la réponse du journal de Tintin à Lucky Luke, bien qu'au tout début, la série avait pour personnage des animaux anthropomorphiques, ce qui l'a dû une période de dédain par Hergé. C'est qu'initialement, la série visait les tout-petits. Mais contrairement à Chick Bill, Ricochet a été entièrement scénarisé du début à la fin par André-Paul Duchâteau avec, malgré le très mauvais jeu de mots du titre, de la série et de son héros, est une série policière des plus classiques, une des plus fameuses BD franco-belges du genre, tout à fait intéressante pour les amateurs, quoique fortement répétitive sur le long terme avec ses 78 albums. A.P. Duchâteau a écrit le scénario aussi de nombreux autres BD avec divers autres dessinateurs, notamment Christian Denayer, un artiste qu'il a dû connaître à l'époque où il assistait d'autres dessinateurs, dont Tibet, pour lequel il a écrit ou co-écrit Yalek. Jacques Giron remplacera éventuellement le dessinateur pour cette série. Alain Chevalier, les Casseurs et TNT, à propos respectivement d'un aventurier, d'un pilote automobile, d'un duo de choc et d'un surhomme rescapé d'un essai nucléaire. Bref, du classique. On lui doit aussi, entre diverses autres séries, les scénarios de Hans, une série de science-fiction créée pour le journal de Tintin, puis continuée par les éditions du Lombard, initialement avec le dessinateur Grzegorz Rosinski, puis plus tard avec Cass, Rosinski manquant de temps. Pour être honnête, bien que j'ai lu pas mal d'albums de Ricochet dans ma jeunesse et quelques autres trucs du scénariste, je dois avouer que je ne me souviens pas grand-chose. Robat, l'auteur de Boule et Bill, a fait la première et la dernière page de l'album, histoire de mettre en chemin et terminer l'intrigue de l'album, la disparition de Bill que tous les personnages vont chercher tout au long de l'album. Deux pages de Boule et Bill tout à fait quelconques, pas particulièrement amusants, mais nécessaires et puis c'était un peu un défi pour l'auteur vu le contexte, au moins le dessin est à son niveau habituel, je lui donnerais un 1 sur 5. Franquin nous pond deux pages de Gaston Lagaffe qui, en dehors de la dernière bande, n'a rien à voir avec son sujet. Franquin dessine toujours aussi bien, mais il mérite un beau gros zéro pour l'effort dans ce cadavre esquis. mais ce serait bien trop sévère pour quelque chose d'aussi bien dessiné, donc je lui donne un 1 sur 5 à Franquin, lui aussi. Je dois avouer tout de même que je ne suis pas le plus grand fan de Gaston Lagaffe. Oui, ne me lancez pas de tomates, s'il vous plaît. Si Franquin y dessine avec grand talent et démontre son habileté à créer du mouvement et à vouloir lire et relire les planches pour admirer tous les détails amusants, un peu partout, les gags m'ont rarement renversé. Si la série aborde des sujets intéressants, tout cela reste très superficiel, ce qui n'a rien d'étonnant d'une série de gags en une page ou une demi-page. Bien que certaines séries de gags en une page ou moins m'ont bien fait rire, je préfère nettement les histoires plus longues qui permettent de construire de vrais récits, un minimum d'histoires au fil des pages. Donc pour moi, Gaston, c'est pas mal du 3 sur 5 et même souvent du 2 sur 5. Mais n'allez pas croire que je n'aime pas Franquin. Bien que ça reste du gag en une page, j'admire beaucoup plus les idées noires, un dessin magique en noir et blanc pour de l'humour très noir, une série magnifique à laquelle je donnerais un 4 sur 5. Et surtout, bien sûr, il ne faut pas oublier toutes les merveilleuses aventures de Spirou et Fantasio. Si les courts récits au début de la carrière de l'auteur que l'on peut lire dans les deux albums hors série, Le Tank et Radar le robot, sont très anecdotiques, et ceux des albums 1 et 3 de la collection régulière, Quatre aventures de Spirou puis Les chapeaux noirs sont à peine meilleurs, quoique tout ça sans doute déjà meilleur que ce qu'avaient pondu Rob Vell et J.G. auparavant. D. Il y a un sorcier à Champignac, première grande aventure de Spirou, on atteint un sommet qui, tout en restant dans la lignée de tout ce qui a précédé, tout en le sublimant, annonce la suite de la série avec la création de Champignac et tout plein de bonnes idées, malgré une construction du scénario encore hasardeuse, qui relève plus de la suite d'épisodes distincts, bien que reliés, dans une histoire construite. Je donne donc à cet album un 4 sur 5. Spirou et les Hérétiques, qui introduisent Zantafio, le méchant cousin de Fantasio, et le Marsupilami, animal fantastique s'il en est, est lui aussi plus une suite de trois récits reliés entre eux. Bien qu'on ressent une amélioration progressive de la narration depuis Champignac, je trouve ce récit beaucoup moins charmant et plus anecdotique, que je lui donne donc un 3 sur 5. Les voleurs de Marsupilami est déjà bien mieux avec un scénario plus élaboré, même si le récit ne me passionne pas des masses, je lui donne donc un 3 sur 5. La corne du rhinocéros introduit ses cotines, mais malgré de nombreux gags réussis, le récit est franchement anecdotique, je lui donnerai donc un 3 sur 5. Le dictateur et le champignon atteint par contre un nouveau sommet avec une intrigue bien menée qui utilise merveilleusement bien les personnages créés, auquel je donnerai un 4 sur 5. La mauvaise tête devient presque un récit policier enlevant, malgré quelques détours aventuresques un peu hors sujet, auquel je donnerai un 4 sur 5. Le repère de la Murène nous fait un parfait récit classique de la BD franco-belge, auquel je donnerai un 4 sur 5. Les Pirates du silence nous proposent un récit très anecdotique avec un supplément, le court récit La Quick Super, qui n'a aucun intérêt pour moi, un divertissement honnête pour l'époque, mais pas vraiment plus, je lui donne donc un 3 sur 5. Le Gorille à bonne mine fait répétition avec la corne du rhinocéros et d'autres BD anciennes se passant en Afrique, même si c'est sans doute un peu mieux réussi, je lui donnerai donc un 3 sur 5. Le Nid du Marsupilami nous propose un récit plutôt charmant, avec quelques gags amusants, mais je dois avouer que ce n'est pas trop ma tasse de thé. Le récit court, La Foire aux gangsters, qui complète l'album, est tout à fait quelconque. Je donnerai donc à cet album un 3 sur 5. Le Voyageur du Mésozoïque nous propose un autre album assez marrant, avec un dinosaure du bon Franquin, mais pas un de ses meilleurs récits. J'aime beaucoup plus le court récit La Peur au bout du fil, première collaboration avec le scénariste Greg. Je donne donc à cet album un 3 sur 5. Le Prisonnier du Bouddha constitue le premier album du trio Franquin, Greg, JDM. Le récit me semble assez moyen, mais le cadre est intéressant et il y a pas mal de gags très réussis, un album annonciateur de la suite qui se mérite selon moi un 3 sur 5. Z comme Zorglub est le chef-d'œuvre du trio avec Zorglub, ce savant mégalomane qui veut impressionner et voir très grand avec son invention, la Zorglonde, qui permet de contrôler les gens, se constituant une armée de zorglomes, une parodie géniale du totalitarisme, une œuvre décapante auquel je donnerais un 5 sur 5. L'ombre du Z. Suite du précédent album, dans lequel on balance d'autres idées géniales, c'est à se demander s'il est aussi bon ou meilleur que son prédécesseur. Je donne donc aussi un 5 sur 5. Spirou et les hommes bulles. Ce récit et un autre tout aussi anecdotique, les petits formats, font partie des trois récits qui ont été faits pour une autre vue en France comme forme de publicité. On ressent clairement que Franquin et JDM, aidés de Robat en début de carrière, ne font que produire pour produire. Je donne donc du 2 sur 5. QRN sur Belzburg est sans doute le chef-d'œuvre de Franquin pour cette série créée dans la souffrance, dépannée par Greg pour le scénario, après que M. Dupuis ne veut rien savoir d'un autre album autour de Zorglub, album d'une grande richesse graphique, mais je dois avouer, le récit ne m'a jamais vraiment passionné, et si certains gags font mouche, ce n'est pas l'album le plus essentiel pour moi, contrairement à de nombreux fans. Je lui donne donc un 4 sur 5. Panade à Champignac et l'adieu grinçant de Franquin à la série, une histoire un peu courte mais hilarante, qui en même temps ancre Spirou de plein pied dans la modernité en lui enlevant enfin son habit de groom, complété par un court récit anecdotique de Gaston, bravo les Brothers, donne donc à cet album un 4 sur 5. Il y a bien aussi Temps bout à bout, avec JDM, Robat et Greg, mais cet album ultérieur de la collection Spirou et Fantasio ne fait que reprendre le très dispensable troisième récit fait pour je ne sais plus quelle revue française, complété par des gags du marsupilami. Je lui donne donc un 1 sur 5. Pour en revenir à ce Bill a disparu, JG reprend deux héros western que je dois avouer ne pas reconnaître ici et il les met dans le 20e siècle européen. Heureusement, ce récit laborieux n'a pas vraiment de conséquences sur l'album, car en dehors d'expliquer le contexte, JG ne fait pas grand-chose, on est loin de ses meilleurs BD. Je lui donne donc un 1 sur 5. Il est tout à fait normal de ne pas y reconnaître Jerry Spring, accompagné de son ami Pancho, qui prend ici le premier rôle puisque JG y exerce un dessin humoristique plutôt que le dessin assez réaliste pour lequel Jerry Spring est reconnu. Sans doute plus proche de Que Barbaridad, série où il s'auto-parodie avec Pancho pour le trombone illustré, revue à l'intérieur de la revue, qui fut publiée pendant quelques mois vers la fin des années 70 dans les pages du journal de Spirou avec sa propre équipe, dont à leur tête Yvan, Delporte et Franquin. JG est un géant incontournable de la BD franco-belge, surtout connu pour avoir montré les ficelles du métier à Will, Franquin et Maurice au début de leur carrière et pour sa classique série western Jerry Spring, qui a influencé de nombreuses séries, dont le fameux Blueberry. D'ailleurs, Jean Giraud, son dessinateur et futur Moebius, a commencé en assistant JG sur un récit de Jerry Spring. JG a travaillé sur de nombreuses autres BD sur des registres très différents tels que des biographies de Don Bosco, Christophe Colomb ou Baden Powell, la série policière Jean Valardi, Spirou, laquelle il a donné Fantasio, Trinet et Trinette, Blondin et Cirage, ou Tanguay et la Verture, dont il a repris le dessin Uderzo voulant se consacrer exclusivement sur le très populaire Astérix. Je dois avouer personnellement n'avoir lu que quelques petits trucs à gauche et à droite, principalement l'intégrale de son Spirou, qui est pas mal pour l'époque, mais rien de bien génial, je lui donnerai donc un 2 sur 5. Et quelques rares albums individuels de Valardi, Blondin et Cirage, ou Jerry Spring, qui ne m'ont pas spécialement marqué, mais il est important de signifier son impact sur la bande dessinée, tellement on a tendance à l'oublier. Ah oui, j'ai oublié de noter le très sympathique Que Barbaridad, qui se mériterait bien 3 sur 5. Le Trombone illustré est une publication fort intéressante malgré sa courte durée, à laquelle on doit le début des Idées Noires et de Germain et nous, un nous à ne pas confondre avec ce podcast, ainsi que les couvertures légendaires de Franquin, la très amusante BD Le quatrième jour de Robat, la fort sympathique série Fernand l'orphelin de Bretéché et Delporte, initialement publiée dans la revue néerlandaise Pip, et la charmante Zuni par Osman, dérivée de son ancienne série un peu plus gentillette pour les gamins, Saki et Zuni. Voyons ce que dit Wikipédia de cette publication. Oui, la loi du moindre effort. Le Trombone illustré est un supplément du journal Spirou, offert comme un journal clandestin à l'intérieur de l'hebdomadaire, paru du 17 mars au 20 octobre 1977, sous l'impulsion de Franquin et d'Yvan Delporte. Le Trombone illustré est un supplément agrafé à 30 reprises au milieu du journal de Spirou. Indépendant du format et de l'esprit de celui-ci, cette publication poil à gratter réunissant des dessinateurs de différentes rédactions est annoncée dès le numéro 2026 du 10 février par les mêmes empreintes de pas bleu qui avaient précédé l'arrivée de Gaston Lagaffe. Traduction de l'explosion du phénomène de la BD pour adultes, Fluide glaciale, L'écho des savanes, Métal hurlant, Charlie mensuel, le Trombone brise les conventions formelles du récit dessiné et les tabous d'un journal plutôt bien pensant. À cause de ses partis pris et de la façon dont il se présente comme un concurrent interne au journal, le Trombone ne pouvait que s'éteindre. Mais ce fut là l'occasion de railler un peu plus l'attitude des messieurs Boulier, Prunel et autres représentants de l'autorité. Ce destin éphémère, combiné à la rareté des albums du Trombone issus des invendus de Spirou qui étaient obligés de les dégrafer du journal pour pouvoir les relier en albums trimestriels, en ont fait un journal culte mais méconnu. C'est à l'occasion d'un article de Franquin que le journal est annulé. En effet, Franquin, antimilitariste convaincu, y reproche à Thierry Martens, rédacteur en chef de Spirou, de publier des articles sur des maquettes d'avions de guerre nazis. Liste non exhaustive des auteurs et dessinateurs, Alexis, Joël Azara, Georges Beuville, Berthe Bertrand, Serge Claire, Bilal, Claire Bretéché, Frédéric Brown, Comas, Thierry Culliford, Dany, De Gotte, De Liège, Yvan Delporte, Derib, DJ, Ernest, René Follet, Fmur, Franquin, Gottlieb, Haussmann, Frédéric Janin, Jigé, Lou, Raymond Machereau, Mézières, Michel Modeau, Moebius, Peyot, Roba, Grégor Rosinski, Sirius, Tardy, Marc Westerlin, Will. Je donnerais probablement un 4 sur 5 ou un 3 sur 5 sur le Haut Trombone illustré. Revenons à nos moutons, ou plus exactement à notre coqueur. Dupas fait 4 pages de Cubitus. C'est franchement très moyen et l'auteur utilise plus le sujet de l'album comme une thématique que de s'efforcer de participer à la continuité. Je donne donc un 2 sur 5. Cubitus est une série de gags en généralement une page, publiée originellement dans le journal de Tintin, une série qui a d'importantes similitarités, graphiquement surtout, mais aussi dans le type d'humour, avec la série Achille Talon de Greg, pour laquelle Dupas a été longtemps assistant et ce, en même temps que ses propres séries. Cubitus s'adresse clairement à un public plus jeune que son prédécesseur, une série dont je n'ai lu que quelques gags ici et là, rien que j'ai trouvé bien intéressant. Je donnerais donc un 2 sur 5 à la série Cubitus. Tibet nous pond 2 pages de Chick Bill, très quelconque, mais qui a le mérite de faire l'effort pour les transitions. On peut présumer qu'il fut un de ceux à respecter le scénario, ce qui fait du sens pour un dessinateur qui travaille le plus souvent avec des scénaristes. Je donne donc un 3 sur 5. J'ai déjà parlé de Tibet en parlant de André-Paul Duchâteau. Même s'il a fait divers autres trucs, il est surtout connu pour Rick Hochet et Chick Bill. De Liège nous sort 4 pages de Bobo, dont le lien est assez ténu, quoique utilisant tout de même le lien à la fin de ce qu'avait fait Tibet, au moins c'est amusant. Bien que Paul De Liège a travaillé sur plein d'autres choses telles que les crostons, il est surtout connu pour sa série Bobo, une série d'histoires courtes, ma foi généralement amusantes. Même si ça ne se démarque pas particulièrement pour moi, je lui donnerai donc un 3 sur 5. Par contre, il est arrivé en bien des occasions de faire de courtes BD qui ne font partie d'aucune série, mais pouvaient avoir un humour assez ravageur et des styles graphiques assez différents. Genet nous offre 4 pages de Ernest Ringard et aux graphies dans la moyenne de la série, mais n'ayant pas grand-chose à voir avec l'album. 2 sur 5, selon moi. Cette série de courts récits à propos de la relation conflictuelle entre une taupe et le propriétaire du terrain où cette dernière vit en louant le souterrain, sur des scénarios de Franquin, est en général bien amusante, quoique pas très mémorable. Je lui donnerai donc un 3 sur 5. Genet est plus connu pour Germain Inou, initialement avec Thierry Culliford, le fils de Peyot, puis continué seul. C'est une des rares séries de gags en une page que j'apprécie plutôt bien, sans doute à cause du nombre ridiculement élevé de personnages évitant de trop vite se répéter, aidé par une caricature sociale, ma foi, assez réussie. Je donnerais peut-être un 4 sur 5 par moment, sans doute tout de même 3 sur 5 sur le long terme. Will nous offre 4 pages de Tiff et Tondu avec un véritable effort pour la continuité, un graphisme habituel de la série au service d'un scénario un peu plus humoristique qu'à l'accoutumée, un très beau travail, mais qui n'a rien de surprenant d'un dessinateur qui a travaillé toute sa carrière avec des scénaristes. Will est un dessinateur très talentueux qui a illustré pendant de nombreuses années Tiff et Tondu en essayant au tout début d'imiter le style de Fernand Dinard à son insistance, mais bien vite va s'en démarquer avec un style initialement très classique et pas des plus personnels, mais efficace. Mais au fil des décennies, son style va de plus en plus s'affirmer, notamment avec la série pour enfants tout à fait magique Isabelle, sur des scénarios d'Yvan Delporte, avec la collaboration sur certains albums de Machereau et Franquin. Il va aussi, tout au long de sa carrière, dessiner divers courts récits pour le journal de Spirou. Isabelle a été créée ainsi et faire les décors pour divers autres dessinateurs tels que le 10e album de Natacha, L'île d'Outre-Monde, divers courts récits du Marsupilami de Franquin et l'album de Spirou et Fantasio, Les Pirates du Silence, dont j'ai déjà parlé. Je donnerais sans doute un 3 sur 5 à Tiff et Tondu, un 4 sur 5 à Isabelle, même si les premiers albums sont plus anecdotiques, et un 5 sur 5 au magnifique décor qu'il a pu dessiner, même si bien sûr les albums ne sont pas nécessairement aussi magnifiques que les décors. Les récits du Marsupilami sont pas mal, mais rien de fantastique. Le Natacha est très bien par contre. Peut-être bien 4 sur 5. Walteri me semble offrir la grande surprise avec ses 4 pages de Natacha. Non seulement le récit reste parfaitement dans la continuité, le tout est bien amusant, et les dessins sont très réussis. Mais cela, malgré que contrairement aux travaux habituels du dessinateur, je ne vois aucune mention d'un collaborateur pour les décors, alors que ceux-ci sont très corrects, et malgré la réputation de l'auteur d'être lent et toujours en retard, mais bon, encore un dessinateur qui ne fait pas ses propres scénarios. Je donne donc un 3 sur 5 à la participation de Walteri. Natacha est une série de BD classiques fort sympathiques, de l'aventure, de l'humour, des récits en général pas mal du tout, du bon divertissement avec la particularité un peu en avant sur son temps, pour une série jeunesse des années 70, de mettre en scène un personnage principal féminin, mais rien de vraiment extraordinaire, surtout qu'en général, comme déjà évoqué, Walteri ne fait que dessiner les personnages, il travaille habituellement toujours avec des collaborateurs pour les décors et les scénarios. Je donne donc un 3 sur 5 à Natacha. Il a bien fait quelques autres trucs, mais à quel point peut-on le créditer pour son travail d'assistant au studio Peyot, ou bien en tant que créateur de personnages très similaires graphiquement à Natacha, qu'il a laissé à d'autres dessinateurs avec Rubin et Une femme dans la peau, sans oublier le petit bout de chic ou le vieux bleu sur lesquels il n'a travaillé qu'épisodiquement. JDM reprend parfaitement au vol le récit avec ses 4 pages de Sophie, d'un très bon niveau auquel je donnerais un 3 sur 5. JDM a été assistant de Franquin pendant plusieurs années sur Spirou et Fantasio et Gaston Lagaffe. Il a hérité de lui les illustrations de la chronique automobile Starter, dont il dérivera la série BD qui a occupé la majorité de sa carrière, la fort sympathique mais franchement pas originale, Sophie, avec un dessin très soigné et des scénarios généralement bien construits mais rarement bien intéressants, auquel je donnerais un 2 sur 5. Yann et Conrad Nous parlons de 4 pages avec des personnages que je ne me souviens pas avoir vus ailleurs, de l'humour très marrant à leur sauce, pas ce qu'ils ont fait de meilleur, loin de là. Ils en sont ici très tôt dans leur carrière, mais fort amusant, avec un récit qui fait très peu d'efforts avec la continuité, mais qui au moins est basé sur l'intrigue de l'album, contrairement à Franquin, Jigé, Dupas ou Tibet. Donne donc 3 sur 5 à cette participation. Les auteurs seront connus dans une vie antérieure pour avoir foutu le bordel dans Spirou avec leur irrévérencieuse et décapante série des Innommables et surtout les mois pendant lesquels ils ont écumé le haut des pages de la revue avec leur humour bête et méchant, se moquant de tout le monde au sein de la revue et même ailleurs. Je donnerai un 5 sur 5 à tout cela. En dehors de la reprise des Innommables chez Dargo, quelques années plus tard, les auteurs continueront dans la même lancée avec les aventures de Bob Marone dans la revue Circus ayant été renvoyé de Spirou. Bob Marone, de mémoire, c'est assez marrant, mais je m'en souviens pas autant que ça m'a pas autant marqué que les Innommables. Conrad va aussi pas mal travailler en solo, ou pour être plus exact avec sa douce moitié, généralement pas créditée, avec l'Avatar que je n'ai point lu, Le Piège Malais, un diptyque sublime qui fait suite à l'Avatar, auquel je donnerai un 4 sur 5, Donito, une série de BD jeunesse pas trop mal, auquel je donnerai un 3 sur 5, Tigresse Blanche, après les 2 premiers albums faits avec Yann, spin-off intéressant des Innommables, auquel je donnerai un 4 sur 5, et Rage, que je n'ai honteusement pas encore lu. Après du dérivé de Marsupilami, Conrad copie Uderzo avec la suite du dessin d'Astérix, série qui fut formidable en son temps dans les 4 sur 5 et 5 sur 5, mais maintenant c'est pas mal du 1 sur 5 selon moi. Sous les pseudonymes de Pierce, Yann et Conrad ont aussi commis avec Jean Liturgie la très amusante parodie de Lucky Luke, Kid Lucky, et continueront, après s'être fait virer par Maurice, avec la série très similaire Cotton Kid, auquel je donnerai un 4 sur 5. Yann, quant à lui, après la fin de Bob Marone, va scénariser un tas d'albums sur un tas de séries, dont Spoon and White avec Jean Liturgie au scénario et Simon Liturgie au dessin, parodie décapante et méchante de séries policières. C'est fort divertissant, sûrement du 3 sur 5. Une aventure de Spirou Fantasio par tome 3, Le tombeau des champignons, de Champignac avec Tarin, le tome 5, 7 et 11, Le groom vert de gris, La femme léopard et le maître des hosties noires avec Olivier Schwartz, de merveilleuses histoires de Spirou et Fantasio qui témoignent de son amour pour la série et la BD franco-belge en général. Il y a d'ailleurs aussi un autre tome du Spirou par, ou Spirou 2, qui doit passer sous silence. Album caché par les éditions Dupuis. Que personnellement, j'ai trouvé, que j'ai certainement pas trouvé choquant, mais que j'ai trouvé un peu décevant. Il était pas acide, parce que c'est un album qui donnait l'impression d'être acide, plus mesquin, plus méchant, plus parodique, alors qu'en fin de compte, il est pas tant que ça. Je pense que l'album n'allait pas assez loin, contrairement à des personnes qui détestent cet album. Aussi la patte. Yann a aussi fait plein d'autres choses. Donc je vais continuer l'énumération avec La patrouille des libellules, avec Marc Hardy, une parodie du scoutisme dont je n'ai lu qu'un album, dont je ne me souviens pas, le tome 1 de Sambre, plus ne met rien, sous le pseudonyme de Balak, avec Isler, chef-d'œuvre tragique, sentimental, sous la seconde révolution française, dont Isler tombera tellement amoureux qu'il continuera tout seul. Je donnerais un 5 sur 5 à cette série, à cet album. Lolo et Sucette avec Marc Hardy au dessin. Spin-off des Libellules que je n'ai pas lu, mettant en scène des travailleuses du sexe. Atom Agency avec Olivier Schwartz que je n'ai pas lu. Les Éternels avec Félix Meynet, une BD assez sympathique de mémoire. Les Aventures de Freddy Lombard avec Yves Chaland, BD sympathique de mémoire, Léonide et Spoutnika avec Philippe Berkovici, que je n'ai pas lu, Le Marsupilami avec Baptême, que je n'ai pas lu, Pin-Up avec Philippe Berthet, une BD très sympathique de mémoire, mais qui perd un peu d'intérêt au fil des cycles, et une tonne d'autres choses. Maintenant, il poursuit lamentablement la série Torgal. Je donnerais sans doute un 1 sur 5 à ce qu'il fait, mais c'est peut-être pas juste sa faute. La série a sans doute passé son temps. Franck nous pond 4 pages de broussailles assez amusantes dans la continuité des pages de Yann et Conrad pour un résultat fort sympathique. Franck P. est un auteur talentueux qui fait clairement d'autres choses que la BD vu sa production anémique depuis plus de 20 ans. Déjà dans les années 90, il n'était plus très productif. Broussailles est une série fort charmante qui se remarque sans doute plus de par ses visuels magnifiques ou ses thématiques que par ses récits dont Franck n'écrivait pas les scénarios, même si à l'origine c'était une chronique dans les pages de Spirou dont il était, je crois, l'auteur entier. Je donnerais un 3 sur 5 à Broussailles. Sa série de strip L'Élan est franchement bien marrante, je lui donnerais un 3 sur 5. Je n'ai pas lu la trilogie Zo qu'il a dessiné au tournant du millénaire, mais puisqu'il ne continue plus Broussailles, il n'a fait que quelques rares bouquins depuis, ce qui se remarque le plus dans la carrière du dessinateur et sa passion envers les animaux et l'environnement. Willy Vandersteen, ou plus probablement ses assistants, nous propose 2 pages de Bob et Bobette, sans doute les pages les plus navrantes de l'album, avec un gag pas drôle, qui ne tient pas plus compte de la continuité que Franquin, Jigé, Tupa ou Tibet, mais en plus, la question me vient à l'esprit, à quel point l'auteur connaît Bull et Bill? Il est indiqué qu'on cherche Bill, le chien de Roba. Ce qui n'est peut-être pas faux dans le monde réel, mais dans le monde fictif, c'est bien sûr le chien de Bull. Bon, je n'ai pas vraiment envie de parler de Bob et Bobette, classique de la BD jeunesse flamande fait par un studio, c'est franchement plutôt médiocre en général si je me fie aux quelques albums que j'ai pu lire sur les centaines produites en série. Je donnerais un 1 sur 5 à Bob et Bobette. L'Ouesterlin nous sort 4 pages de Dr. Poche, ou plus précisément Harry Pinkson, détective d'une série policière paraissant en feuilleton du grand-père du Dr. Poche, personnage déjà utilisé dans un court récit précédent du Dr. Poche, un récit relativement amusant qui n'a bien sûr aucun véritable lien avec l'intrigue de l'album. La disparition de Bill rappelant simplement une enquête de Harry Pinkson pour retrouver un chien disparu. Dr. Poche est une série jeunesse magique qui peut se lire par tout public, enfant ou adulte, tant qu'il reste ouvert à la poésie de la jeunesse avec un dessin frémissant, tout à fait merveilleux, le style personnel de l'auteur qui a influencé toute une génération, bien qu'en vérité, le tout est assez inégal. Le principal problème de la série est sans doute que Westerlin ne sait peut-être pas dans quelle direction il veut envoyer la série, alternant entre des choses un peu trop différentes. Il éminue Dr. Poche, l'île des hommes papillons, la planète des chats et le géant qui posait des questions ont tous une merveilleuse poésie, une véritable féerie pour les enfants, bien que les récits peuvent sembler partir un peu dans tous les sens dans leur construction, auquel je donnerais un 4 sur 5. Carabouilla plus les grandes vacances contient 2 histoires plus courtes sur la jeunesse du personnage dans un style beaucoup plus réaliste, mais néanmoins toujours aussi intéressant, auquel je donnerais aussi un 4 sur 5. Le renard bleu joue toujours un peu dans la féerie, dans le conte, mais avec un style bien plus classique qui me fait penser presque à du Tintin, avec des animaux anthropomorphiques, un régal, mais un ton assez différent, auquel je donnerais un 4 sur 5 aussi. Bien que j'apprécie dans une certaine mesure Le petit singe qui faisait des manières, un album humoristique, l'auteur fait un tas de gags en une page et diverses histoires courtes à l'intérêt très discutable, dont une partie se retrouve dans l'album Gag en poche, auquel je donnerais un 2 sur 5. Je ne me souviens pas du tout de l'album La forêt magique qui est supposé se faire à la manière des livres dont vous êtes le héros. Dupuis ayant perdu la foi en cette série, Westerlin l'a continué chez Casterman dans un style encore plus enfantin que je n'arrive pas à endurer. Je donnerai donc un 1 sur 5 à la fin de la série. Westerlin est aussi connu pour une autre série publiée chez Dupuis, Jeannette Pointue. Cette dernière n'a pas la poésie et la féerie du Dr. Poche, mais ce qu'elle propose est très différent de l'aventure classique avec une héroïne photojournaliste, la moins originale des professions du monde de la BD, mais cette fois-ci, les récits s'articulent réellement autour de sa profession qui la fait voyager à travers le monde, contrairement à un Tintin et même bien plus que Spirou et Fantasio. Je dois avouer ne pas être un grand fan du graphisme original de la série, qui me semble moyennement marcher avec son sujet. Les réussites sont très bien construites, avec certainement pas mal de recherches sur les sujets. Le journal de Spirou devenant frileux avec la série et son auteur, dans les années 90, c'est devenu surtout de petits récits plutôt que de grandes aventures, ce qui ne permet hélas pas de construire des récits palpitants, mais permet tout de même de présenter des sujets intéressants des réalités de notre monde avec un grand humanisme, avec un dessin que je trouve personnellement plus réussi qu'auparavant. Bien évidemment, la série n'a pas survécu, je lui donnerai donc un 3 sur 5. Je n'ai pas tellement lu d'autres œuvres de l'auteur, mis à part les quelques Natacha pour lesquelles il a contribué au scénario. Je terminerai le tout en citant ce que le journal de Spirou disait sur les conditions de production de cet album de Boule et Bill. Une aventure pas comme les autres, conçue au cours de réunions secrètes auxquelles Roba n'était pas invité. Nous voulions lui ménager la surprise. Ce n'est qu'au dernier moment que nous lui avons soumis l'ensemble des planches afin qu'il nous dessine l'intro et la conclusion de Bill a disparu. La mise sur pied d'un scénario a soulevé de nombreuses difficultés. On est parti d'une idée qui s'est peu à peu structurée. Il fallait écrire un scénario valable dans son ensemble tout en respectant la personnalité de chacun, les caractéristiques de tous les personnages. Quand tout cela fut mis au point, chaque dessinateur n'en fit qu'à sa tête. On put tout recommencer. Certains rentrèrent des planches totalement différentes de ce qu'on leur avait demandé, d'autres s'en étaient tenus au scénario original. Un beau micmac qu'il fallut faire rimer en renvoyant une case par-ci, un dialogue par-là. Et le miracle s'accomplit. Bill a disparu est une véritable aventure dans le bon vieux style du roman feuilleton. Tout se tient, sauf un détail. Et là, le texte enchaîne sur un concours sur le collier de Bill, dont il est question dans les pages de Dupas. En bref, si ce cadavre exquis est un moyen plutôt moyen, cela ne signifie aucunement que ses auteurs ne sont pas talentueux. Heureusement que les dessinateurs en ont fait à leur tête, sinon je ne vois pas vraiment l'intérêt de l'exercice, mais il est dommage que si peu d'auteurs aient fait attention à la continuité narrative, ne serait-ce un minimum, que trop de ceux-ci se sont contentés de faire leur propre BD avec de leur côté plutôt que de s'amuser avec les copains. Comme vous l'avez sans doute compris, mon but dans cet épisode du podcast des Nous n'a pas tellement été de parler de l'album Bill a disparu, mais de plein de choses en BD. C'était un prétexte en ce mois de la bande dessinée. Au revoir et à bientôt. We'll be right back.